Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs.